Oh mais dis-leur que je pars comme ça. Dis-leur mais pourquoi. Ils croient que j'ai pu forcer une fille. Mais dis-leur que je vends le vol, je file. Dis-leur que ça avait même pas l'idée de forcer une fille à branler. Dis-leur que je suis pas comme ils croient. Dis-leur qu'ils ouvrent les yeux pour qu'ils voient. Dis-leur que le rap c'est pas nique la police, mais c'est plutôt nique la milice. Et que quand les plus tristes, on s'ajoute pas rappeur américain, on se dévisse. On part la poudre agisse. Les commissaires finissent, l'histoire en le revient d'un prince, les balistiques, quand même y'a un hic. Demande-leur pourquoi ils disent que je suis timide. Parce que je reste avec mon cousin, c'est ça qui les intrigue. Dis-leur que même pas avec la fatigue, je suis toujours prêt à faire le meilleur pour que tout le monde trouve son compte. En attendant, dis-leur qu'ils comptent les morceaux, pas de honte dans ce que je fais, dis-leur. Dis-leur que je suis pas comme ci ni comme ça. Dis-leur que je suis comme je suis et voilà. Regarde-moi, je suis comme hier. Ce que tu vois, c'est ma chair. Dis-leur que je suis pas comme ils croient. Dis-leur qu'ils ouvrent les yeux pour qu'ils voient. Dis-leur que je suis pas comme ci ni comme ça. Dis-leur que je suis comme je suis et voilà. Regarde-moi, je suis comme hier. Ce que tu vois, c'est ma chair. Dis-leur que je suis pas comme ils croient. Dis-leur qu'ils ouvrent les yeux pour qu'ils voient. Dis-leur que la DL vient de prendre son envol avec ses lois et ses hommes, sans drogue ni alcool. Dis-leur qu'on reste vrai et qu'après avoir rappé, on ne reçoit pas de billets. Dis-leur que si la DL est née, c'est grâce à tous ses piliers, pas une dizaine de mecs comme certains le prétendraient. Dis-leur que ça soit tireur ou dealer, notre but est ailleurs. Dis-leur que j'ai pas de gun dans mon fut, ni de pute qui m'attend pour faire des trucs. Dis-leur que j'ai pas trompé certaines filles, ce sont eux qui m'ont trompé et mon G-Feel. Dis-leur que les rumeurs assassinent pendant que les commerces rassasient. Dis-leur sur mon mur Cupidon est pendu, ses flèches tordues et son arc perdu. Dis-leur souvent les apparences sont trompeuses, j'enchaîne pas buzz sur buzz, pompeuse sur pompeuse, mes feuilles sur feuilles, pas des perceuses. Dis-leur qu'avant de me juger, analyser, je vais jurer de rester vrai pour la DL, les personnes que j'aime et que j'ai aimées. Dis-leur que je suis pas comme ci ni comme ça. Dis-leur que je suis comme je suis et voilà. Regarde-moi, je suis comme hier. Ce que tu vois, c'est ma chair. Dis-leur que je suis pas comme ils croient. Dis-leur qu'ils ouvrent les yeux pour qu'ils voient. Dis-leur que je suis pas comme ci ni comme ça. Dis-leur que je suis comme je suis et voilà. Regarde-moi, je suis comme hier. Ce que tu vois, c'est ma chair. Dis-leur que je suis pas comme ils croient. Dis-leur qu'ils ouvrent les yeux pour qu'ils voient. Dis-leur comment je suis, ce que je fais, ce que j'aime. Dis-leur que je suis gentil, que j'ai aimé, que j'ai de la peine. Dis-leur que si je mords la poussière, je me relève et je persévère. Dis-leur que ni la violence ni la colère ne changeront mon envie de bien faire. Dis-leur qu'on faut avoir derrière et que je pense devoir mener des galères. Dis-leur qu'il faut voir le passé, le présent, le futur d'un homme pour pouvoir le juger. Et que ni le succès et les grosses sommes ne pourront me changer. Dis-leur quand bien, pourquoi ne pas donner un peu d'argent à des orphelins. Dis-leur qu'avoir une baraque, c'est pas signe de richesse. Dis-leur qu'un coup de matraque, c'est pas signe de faiblesse. Et dis-leur comment je suis et comment est ma vie. Dis-leur pourquoi je rappe et j'écris aujourd'hui, dis-leur. Dis-leur que je suis pas comme ci ni comme ça. Dis-leur que je suis comme je suis et voilà. Regarde-moi, je suis comme hier. Ce que tu vois, c'est ma chair. Dis-leur que je suis pas comme ils croient. Dis-leur qu'ils ouvrent les yeux pour qu'ils voient. Dis-leur que je suis pas comme ci ni comme ça. Dis-leur que je suis comme je suis et voilà. Regarde-moi, je suis comme hier. Ce que tu vois, c'est ma chair. Dis-leur que je suis pas comme ils croient. Dis-leur qu'ils ouvrent les yeux pour qu'ils voient. Dis-leur que la tête c'est pas des voyous. Dis-leur qu'on va aller au bout. Dis-leur qu'on veut progresser, qu'on veut persister. Dis-leur qu'on a du respect et on les respecte. Soyons honnêtes, on n'est pas les seuls rappeurs sur la planète. Mais dis-leur qu'il faut pas qu'ils aient une facette, qu'ils fassent des trucs en cachette, qu'ils nous prennent la tête, qu'ils nous manient à la baguette. Parce que c'est pas très gentil de contrarier des amis. Enfin, dis-leur qu'on les oublie et on reprend la route. C'est écrit qu'entre potes et putes, y'a qu'une lettre qui change. Alors dis-leur de ne pas faire d'échange. Dis-leur. Dis-leur que je suis pas comme ci ni comme ça. Dis-leur que je suis comme je suis et voilà. Regarde-moi, je suis comme hier. Ce que tu vois, c'est ma chair. Dis-leur que je suis pas comme ils croient. Dis-leur qu'ils ouvrent les yeux pour qu'ils voient. Dis-leur. Ça y est, on continue à rapper. Dis-leur. On peut toujours pas s'arrêter. Dis-leur. Que la DL en est représentée. Dis-leur. Qu'à 10 ou à 3, on continue à avancer. Dis-leur. Les embrouilles, c'est pas nous qui les créons. Dis-leur. Correct tout ça à coup de crayon. Dis-leur. On avance dans le noir et nos lyriques sont nos rayons. Dis-leur. Notre passé a fait nous soigner aujourd'hui. Dis-leur. Que les embûches dans notre vie c'est pas fini. Mais dis-leur qu'X Nico et Morphino sur cette chanson c'est fini. Dis-leur.